Bouygues Télécom. Pauline de Pau rêve depuis très longtemps de posséder un super smartphone pour partager ses plus beaux moments avec ses proches. Ce serait top, mais côté porte-monnaie, Pauline se dit qu'elle doit encore économiser pour se faire plaisir. Eh bien, Pauline, bonne nouvelle! En ce moment, et seulement jusqu'au 26 octobre, c'est la vente flash Bouygues Télécom. Profitez de 70€ de remise sur tous les smartphones grâce au forfait sensation 60Go avec avantage smartphone. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106. Offre soumise à condition, valable pour l'achat d'un mobile de 71€ minimum, engagement 24 mois. Bonjour Tiffaine, aujourd'hui à l'occasion de l'exposition Matisse comme un roman qui a ouvert ce matin, nous vous proposons tout simplement de vous y emmener. La compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et bonjour à tous. L'histoire de ma vie est sans événement marquant, écrivait Matisse dans une lettre au journaliste Franck Harris en 1921. Mes parents, commerçants aisés, voulaient que je sois homme de loi. Et de 18 à 22 ans, j'essayais très honnêtement d'être un clerc d'avoué à Saint-Quentin. On connaît la suite de cette vie finalement dédiée à révolutionner la peinture et que nous a raconté Anne Théry au cours de notre premier épisode, à présent disponible en podcast sur l'application Radio France. Et puis nous avons poursuivi notre parcours par un panorama de certains de ses thèmes récurrents, comme par exemple le motif de la fenêtre ou encore son art du portrait. C'était en compagnie de la directrice du musée Matisse de Nice, l'autrice également d'un dictionnaire consacré aux peintres dans la collection Bouquins chez Robert Laffont, à savoir Claudine Gramont. Et puis enfin, nous terminerons cette série avec un dernier épisode en compagnie de Xavier Girard pour explorer différents thèmes, Matisse et le sud de la France, mais aussi Matisse et la sculpture ou Matisse et les dessins. Bienvenue à tous dans une compagnie des œuvres enregistrées dans les salles de l'exposition Matisse comme un roman au Centre Pompidou à Paris. Lorsque je peins ou je dessine, j'éprouve un besoin de communion intime avec l'objet qui m'inspire, quel qu'il soit. Je m'identifie à lui et c'est ce qui crée une expression sensible qui est le fond de mon art. La richesse des moyens n'est jamais suffisante si l'artiste ne peut lui faire exprimer la tendresse intérieure qu'il éprouve pour tout ce qui existe. Et on débute cette émission avec la voix d'Aragon lisant un de ses textes sur Matisse. Bonjour Aurélie Verdier. Bonjour. Alors vous êtes docteur en histoire, spécialiste des avant-gardes, docteur en histoire de l'art, autrice de l'abécédaire de Dada chez Flammarion en 2003, de Aujourd'hui, pense à moi, Francis Picabia, Ego, image, que vous avez publié, c'était en janvier dernier, aux éditions des Presses du Réel, et vous êtes conservatrice ici au Musée National d'Art Moderne de Beaubourg, où on va visiter avec vous cette nouvelle exposition du 150e anniversaire de la naissance de Matisse, puisqu'il est né le 31 décembre 1869. Mais d'abord, dans un premier temps, on va prendre un petit moment pour parler comme ça un peu plus généralement de l'exposition et la présenter avant de voir quelques œuvres. Donc c'est une exposition qui s'appelle Matisse comme un roman. C'est un titre qui vous a été évidemment inspiré par le titre du livre d'Aragon, Henri Matisse, roman. Vous êtes partie de là, Aurélie Verdier. Oui, c'est vrai que cet objet très très singulier qui est Henri Matisse roman que qu'Aragon publie en 1971 chez Gallimard, dans la foulée de l'exposition magnifique du centenaire qu'avait organisé Pierre Schneider au Grand Palais, est un livre qui a fourni en quelque sorte la trame, je dirais presque visuelle de l'exposition, et puis une partie de son contenu. En tout cas, c'est une monographie photographie qui ne ressemble à aucune autre. C'est même au sein des livres d'art un livre qui ne ressemble absolument à aucun autre. J'avais beaucoup d'intérêt d'emblée en fait pour l'aspect graphique, le graphisme très particulier de ces années 70, cette maquette très claire et en même temps cet objet quand même un peu baroque, hein, puisque c'est une stratification de textes de toute époque, hein, on y reviendra peut-être, mais voilà, donc c'est un objet littéraire presque non identifié, et puis c'est une maquette, j'y reviens, faite conjointement avec Aragon, très très impliqué dans le travail, et Roger Paris, qui est un photographe tout à fait intéressant et qui s'est mis là, le temps d'un livre, à faire ce travail graphique. On sait qu'Aragon a beaucoup surveillé justement tous les aspects graphiques de ce livre. Comment est-ce que vous, du coup, vous l'avez retranscrit en trois dimensions ? Alors, j'imagine que la transposition s'est faite jusqu'à un certain point, mais avec notre scénographe Camille Excoffon, qui a fait un très très beau travail, je crois qu'on avait à cœur toutes les deux d'avoir une image très claire en fait de Matisse, de revenir à une certaine clarté. En fait, j'aime beaucoup quand Matisse parle de son travail comme d'un milieu cristallin pour l'esprit. Il cherche ce milieu cristallin pour l'esprit. Moi, j'adore cette phrase parce que j'ai vraiment l'impression qu'en effet, toute l'œuvre de Matisse parle de cette clarté-là et est une quête vers cette clarté. Je crois que, justement, dans l'exposition, il y a un mouvement ascensionnel qui va vers toujours plus de clarté. Et la maquette de Paris, d'Aragon, parlait de cette idée-là, je trouve. C'est vrai que si on parcourt l'exposition rapidement, on voit cette clarté qui passe comme ça d'œuvre en œuvre, qui arrive et on le sent en effet très très bien jusqu'aux dernières œuvres qui sont très éblouissantes. Tout à fait. Les débuts de Matisse, ce sont ses mains multiples, hein, comme je dis parfois. Aragon le dit très bien dans un texte qui sert d'introduction à l'exposition, où marquer ce commencement, parce que Matisse, en fait, véritablement va se chercher parmi tous les peintres. Donc cette multiplicité de manières se traduit dans la première salle, mais effectivement, on va de plus en plus vers cette extrême rigueur et cette précision, en fait, qui va caractériser Matisse jusqu'au gouache découpé, le dernier Matisse. Alors ce livre, Henri Matisse Roman, ce sont à la fois des écrits sur l'art d'Aragon, et aussi c'est des moments où Aragon raconte quand, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils se sont retrouvés ensemble à Nice et ils se sont vus beaucoup. Oui, en effet, c'est la rencontre de deux hommes qui ont évidemment une carrière immense en fait derrière eux, parce qu'Aragon est déjà ce poète extrêmement extrêmement reconnu. Hein, on connaît ses engagements au sein du Parti communiste. À l'époque, en 41, il est évidemment proche de la résistance. Il y a ça aussi. Quant à Matisse, il est auréolé quand même de la gloire du maître qu'il est depuis au moins 1907-1909. Enfin, c'est quand même, bien que ce soit des années où son audace est encore peu comprise, Matisse est quand même salué comme le grand maître moderne de la scène artistique parisienne et en fait même internationale, parce que son audience est internationale très vite. Donc autour de 1910, voilà, Matisse est le maître. J'ai rencontré Matisse dans un temps, on ne peut plus particulier, la fin de l'année 41. Je l'ai connu dans les conditions du désespoir de la plupart des Français. Et j'ai considéré alors Matisse comme la figure surprenante de l'espoir dans le désespoir. Car enfin, si on regarde toute la peinture de Matisse, il y a une façon extraordinaire chez lui de dominer non pas seulement les ennuis quotidiens, mais les grandes douleurs qui pouvaient être les siennes. Puisqu'enfin, à l'époque où je l'ai rencontré, il y avait 10 mois qu'on l'avait opéré, une opération qui faisait de lui un infirme. Et aussi, nous étions en plein dans le moment le plus noir de l'occupation, où la plupart des gens doutaient de la possibilité d'une issue favorable à notre pays. Au milieu de cela, la peinture de Matisse prenait un caractère extraordinaire d'une déclaration d'espoir, du changement. Donc Aurélie Verdier, cette rencontre entre Aragon et Matisse, c'est la rencontre de deux artistes, mais c'est aussi la rencontre de deux hommes, de deux personnalités, et tout cela dans un contexte historique particulier. Tout cela se retrouve évidemment dans le livre d'Aragon, ou pas vraiment ? Oui, le contexte historique traverse de part en part nombre de textes, en fait, d'Henri Matisse roman. Je ne sais pas si c'est un... C'est probablement pas un sujet de discussion entre eux, véritablement. La politique, probablement pas. Je crois que ça se situe ailleurs. Ce qui est certain, c'est que ce sont deux exigences qui se rencontrent et que c'est une opération, enfin le mot n'est pas très beau, mais c'est une séduction de part et d'autre, ça c'est certain. Le mot de séduction, peut-être qu'il correspond bien à Matisse quand même, il y a quelque chose de séduisant dans la peinture de Matisse. Oui, tout à fait, et Aragon précisément s'empare de l'objet Matisse en sachant cette dimension hédoniste qui est probablement indiscutable hein, chez Matisse. Alors l'hédonisme c'est aussi l'émotion. Vous avez écrit dans le catalogue de cette exposition, Aurélie Verdier, un texte dans lequel vous insistez beaucoup sur l'idée d'émotion. J'aimerais qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est finalement que cette émotion qui est au cœur de la peinture de Matisse ? Est-ce que l'émotion n'est pas toujours d'ailleurs au cœur de toute peinture ? En quoi est-ce que pour Matisse, c'est vraiment un mot qui lui correspond davantage que peut-être pour d'autres peintres ? Alors moi, ce qui m'a intéressé par rapport à l'émotion sur lequel Matisse s'est prononcé hein, de manière, comme toujours, extrêmement claire, en fait, dès qu'il prend la parole, c'est vraiment une analyse d'une clarté à l'image de sa peinture, en fait. Quand Matisse parle de l'émotion, c'est vraiment pour dire que c'est le détonateur. Enfin, c'est pas un mot très matissien ça, mais c'est le départ, en fait, hein, de toute saisie du réel pour lui. Ça, c'est très important de le dire. Sans émotion, il n'y a pas de peinture. Il faut qu'il y ait une émotion pour que ça déclenche l'envie de peindre. Absolument. À ses débuts, ou en tout cas autour de 1905, au moment de cet élan fauve tellement, tellement radical, la critique alterne entre l'image d'un Matisse totalement, précisément, émotionnel, envahi précisément par cette émotion et l'affect, on va le dire comme ça. Trop envahi, c'est ça ? Certainement, puisque c'est un débordement, c'est un art de l'excès. Et en même temps, il pêcherait par excès d'intellectualisme. Alors, il y a quelque chose, évidemment, on lui reproche d'être schématique, par exemple. En revanche, moi, je crois que la vérité se loge entre les deux, c'est-à-dire que Matisse ne choisit pas. Son projet est à la fois d'être intégralement décoratif, et ça, c'est très important pour comprendre Matisse, et d'être analytique. C'est évidemment un peintre de l'exigence critique, et ça, j'avais envie de le montrer dans l'exposition. Moi, ce qui m'a intéressé particulièrement, et j'essaye de l'expliquer dans un texte dont le titre rend hommage à Hubert d'Amiche, et puis avant lui à Racine, alors il y a toute une lignée très, très savante, mais l'amour m'expose. Moi, j'ai voulu tenter de montrer que de l'émotion, qui effectivement est un mot-clé pour comprendre Matisse, hein, l'émotion entre les rapports, autre mot important pour lui, Matisse, après précisément cette opération dont Aragon parlait, dans l'extrait qu'on a entendu, opérer une espèce de transformation du champ lexical, c'est-à-dire que l'émotion va être beaucoup moins présente dans son discours et être remplacée progressivement par l'idée d'amour. Il va beaucoup convoquer cette idée-là. À cela, il y a probablement plusieurs raisons, mais je crois qu'il est porté notamment durant la réalisation de Jazz, hein, autour de 1943. Rappelez-nous ce que c'est que Jazz. Jazz est ce magnifique livre d'artiste en fait, que Matisse va réaliser réalisé et que qui sera publié en 47. Les premières planches sont faites autour de 43. Ce sont des gouaches découpées, hein, dont l'exposition va d'ailleurs montrer les gouaches originales, hein, et non pas le portfolio, les pochoirs, hein, qu'on connaît, qui est un livre évidemment magnifique. Mais ce livre magnifique alterne les planches, justement, ces pochoirs tellement colorés, et puis les planches d'écriture, qui est donc quelque chose qui est au cœur de la pensée matissienne, hein, cette interaction du noir et blanc, de l'écriture et de la couleur. Donc déjà, c'est un autre livre dans cette exposition Henri Matisse roman où le livre est évidemment très très présent. Bien sûr, bien sûr. Je n'ai jamais voulu faire une exposition sur le livre parce que ça c'est un sujet en soi. Néanmoins, on a choisi de manière très précise ce qu'on voulait montrer de la dimension du livre. Moi je dirais que presque, c'est vraiment très subjectif, hein, ça n'a pas vocation à être quelque chose de scientifique, mais moi, plus que les livres de Matisse, c'est Matisse en concepteur graphique qui me séduit tout particulièrement et que je trouve d'une modernité mais proprement ahurissante. Et donc on verra dans les vitrines de l'exposition une grande vitrine centrale, hein, qui innerve le parcours de bout en bout comme une espèce de colonne vertébrale ou une tranche de livre, si on veut filer cette métaphore. On verra beaucoup de ces couvertures de la deuxième partie de vie de Matisse qui sont faites de gouache découpée, hein, donc ces aplats colorés littéralement vibrantes, hein, c'est vraiment une qualité lumineuse et chromatique à peu près inouïe, je pense, à cette période-là. Et j'ai voulu certainement mettre l'accent plus encore que sur le livre, sur la dimension graphique, comme je disais, de Matisse. C'est un graphiste aussi, Matisse, parce que c'est vrai que dans ces papiers découpés dont vous parlez, on a l'impression de quelque chose de très pop et de quelque chose vraiment de très design graphique presque, enfin en tout cas qui semble avoir inspiré des designers graphiques. Tout à fait, et je pense que ça se joue en fait à partir des années 40 où il renoue en fait avec une couleur que probablement il n'avait pas maniée depuis les années fauves, et on va dire autour de 1910 bien sûr quand on pense à la danse ou la musique, mais il y a cet aplat coloré qui reprend une vigueur totalement neuve. C'est quand même un artiste âgé à l'époque, hein, autour de 40, pensons à la blouse roumaine, hein, de 39-40, qui renoue avec un chromatisme tendu à son maximum d'intensité, comme le dira Jean Clay, à qui je confie, la parole pour cette section-là. Il monte les couleurs tellement, il sature l'espace, il n'y a aucun trou, c'est une surface vraiment pleine, qui est certainement l'un des buts de Matisse, hein, d'obtenir cette espèce de surface tendue à son maximum. Et ça en fait une des périodes, à mon avis, totalement charnière, qui mène, on s'en doute, en fait, au gouache découpé, bien sûr. C'est ça aussi, ce projet amoureux, voilà. Mais il faudrait peut-être mieux expliquer cela. On va peut-être revenir sur la notion d'amour, parce que c'est vrai que c'est une notion sur laquelle vous insistez beaucoup, Aurélie Verdier. Le mot que vous avez prononcé, décoratif, il faudrait peut-être revenir aussi là-dessus. Parce qu'en général, quand on dit qu'une peinture est décorative, c'est un terme plutôt dépréciatif. Et vous semblez dire qu'il faut assumer, parce que Matisse l'assumait lui-même, l'idée que sa peinture était décorative. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit ? Probablement, d'abord, il faut dire une chose, c'est que le décoratif pour Matisse, et ça, c'est ça aussi son audace inouïe, c'est de proposer en fait le décoratif, la peinture décorative comme le sommet en fait des beaux-arts, et ça c'est tout à fait nouveau. C'est très iconoclaste, non, en période d'avant-garde au début du XXe siècle. Absolument, et son grand rival et aussi son ami Picasso peut absolument pas prétendre en fait à cette dimension-là dans son art, ça c'est impossible. On pourrait discuter bien sûr avec des spécialistes de Picasso, mais je crois pas que ce soit une dimension très, très picassienne. Moi ce que je crois est que le projet décoratif de Matisse en fait n'est rien de moins que la remise au centre de la peinture du spectateur, en fait, de celui qui regarde, du regardeur, dirait l'autre. Ça, c'est très important, c'est-à-dire que cette fameuse métaphore qui lui a tant coûté de raillerie du bon fauteuil, la peinture serait un bon fauteuil destiné à délasser l'homme d'affaires ou l'homme de sa journée fatigante. En fait, ça je ne crois pas que ce soit un projet anhistorique, enfin, sans histoire. Il y a vraiment une histoire, en fait, de de cette décoration, de ce délassement des fatigues, et qui participe en fait justement de cette conception d'un spectateur pleinement actif. Ce plaisir qu'en fait chaque spectateur hier et aujourd'hui prend à regarder Matisse, c'est un vrai projet analytique chez Matisse. C'est un projet amoureux, comme je le disais. Et moi, je pense que le lien Aragon-Matisse se joue aussi, justement, dans cette reconnaissance. Alors, est-ce qu'ils s'en rendent compte? Je ne sais pas. Mais ils ont ce même projet analytique, de saisie du réel, et ce projet amoureux. Le tout avec une exigence absolument totale qui, à mon avis, les réunit énormément autour de 41 et au-delà. Amoureux, Aurélie Verdier, c'est amoureux de quoi ou amoureux de qui? Pour Matisse, il va le dire très bien comme d'habitude, le foyer de son énergie, c'est le modèle. Donc en fait, le modèle, c'est le modèle, mais le modèle, je dirais, animé ou inanimé, parce qu'en réalité, dans ce qu'Aragon va appeler la palette d'objets de Matisse, l'objet inanimé se voit gratifié d'une vie, en fait. C'est ça qui est tout à fait étonnant. Matisse va dire, justement, dans ces années 40 que j'aime tant, que les objets, en fait, se retrouvent par sympathie. Hein. Donc en fait, un pot d'étain va avoisiner avec un magnolia parce qu'ils se sont, je ne sais pas s'ils se sont aimés, mais en tout cas... Ils se sont appelés, certainement. Et Matisse il découvre un fauteuil rocaille, par exemple, ou une peau de léopard. Ça va complètement susciter son désir. C'est ça qui est très, très, très, très beau. Est-ce que vous diriez que cet affect, c'est un affect d'appropriation, ou est-ce que, au contraire, c'est regarder, aimer à distance, à travers la peinture? Je crois que l'appropriation est totale. La saisie est totale. Et ensuite, peut-être pour la rejeter, c'est cruel. Mais en tout cas, oui, je pense qu'on le voit très bien dans Thèmes et Variations, où précisément ce portfolio de ce nouveau livre, en fait, cet autre livre de Matisse, qui est absolument capital pour comprendre le processus créatif qui est le sien dans ces années de guerre, justement ces années où Aragon est un témoin privilégié de la création. Eh bien, Thèmes et Variations, c'est un premier dessin qui fournit le thème, qui est une imprégnation totale de son modèle, de son sujet. Encore une fois, il peut être inanimé. Il travaille genou contre genou avec le modèle. C'est des choses que Matisse a pu dire. Il s'imprègne du modèle pour qu'ensuite les variations quasi cinématographiques qui vont suivre, la succession de variations, soit du dessin comme fait dans la transe, en quelque sorte. Il a tellement internalisé son modèle qu'il sait le rendre dans cette improvisation extrême. On ne va pas faire de psychologie, mais est-ce que vous vous êtes interrogé sur le rapport amoureux de Matisse en général et sur comment, du coup, il peignait dans ce rapport amoureux, Aurélie Verdier? Pour tout vous dire, pas beaucoup, parce qu'en fait, la biographie de Matisse, et quand on pense par exemple au livre de Hilary Sperling, c'est très passionnant. Mais en fait, moi, j'aime bien quelque chose de l'ordre d'un trait psychologique, je sais pas, c'est pas très bien dit, mais d'un trait psychologique soit une procédure, en fait, picturale. Et chez Matisse, ce qui l'intéresse, c'est certainement pas la psychologie, c'est les moyens de la peinture. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Donc effectivement, moi, je n'ai jamais envie de relier le désir de l'objet, alors l'objet c'est un peu particulier, mais le désir d'un modèle féminin avec une possible biographie, un possible événement biographique derrière. Et si on va par là, il s'agit de sublimation, à mon avis, de bout en bout. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses consommées, mais encore une fois, je ne crois pas que ce soit extrêmement intéressant. Alors Roland Barthes, l'auteur des fragments d'un discours amoureux, vous le citez dans votre catalogue, Aurélie Verdier, était un petit peu circonspect sur Matisse. Il disait que c'était, comme beaucoup d'autres l'ont dit d'ailleurs, un peintre bourgeois. Barthes était sans doute plutôt aussi un bourgeois d'ailleurs. Mais donc il a été quand même relativement mal compris, y compris... dans cette notion d'amour, dans cette notion de rapport amoureux. Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à faire entrer Barthes dans votre catalogue et à le faire parler dans un des essais que vous avez écrits? Est-ce que vous voulez dire que Barthes n'a pas compris justement ce projet amoureux qui sous-tend l'entreprise matricienne? Est-ce que c'est ça? Il me semble qu'en tout cas, il l'a critiqué. Enfin, il a critiqué justement le côté trop embourgeoisé du regard amoureux de Matisse ou de la peinture de Matisse en général. Oui. Mais moi, je crois que ce texte de Barthes, écrit juste après la mort de Matisse... juste après la mort de Matisse, en fait, est un texte qui passe quand même totalement à côté, précisément, de la compréhension de Matisse peintre, parce que le réduire à cet hédonisme, c'est vraiment méconnaître complètement, à peu près les 9/10 de la production de Matisse. Il y a effectivement ces fameuses années 20 qui sont mal aimées, alors pour des bonnes et des mauvaises raisons, parce que c'est effectivement le moment d'une production souvent, enfin, parfois plus faible, je sais pas, peut-être plus molle si j'ose le mot. Il y a moins de force, c'est moins tenu. Et puis il revient aussi à un modelé, à une production de toute évidence plus traditionnelle. Si Barthes réduit Matisse à cette décennie, effectivement c'est problématique. Je pourrais pas citer de mémoire les termes formels qui sont les siens pour analyser la peinture de Matisse, mais en fait ça témoigne à mon avis de son incompréhension, parce que c'est vraiment tellement général et vague et à côté de la plaque, j'irais jusqu'à dire que je crois que cette critique de l'hédonisme, cette manière de voir Matisse n'est pas la bonne. Enfin, ça montre une certaine limite. Mais une fois qu'on a dit ça, je crois que Barthes a su voir d'autres artistes de manière bien plus aiguë. Et puis encore, voilà, c'est cette façon aussi de croire qu'il n'est pas dans l'histoire me semble méconnaître la dimension révolutionnaire. En fait, j'oserais le mot du projet matissien. Alors, qu'est-ce qui est révolutionnaire, disons-le, du coup? Révolutionnaire, je renverrais à ces moments précisément de saisie du réel, décorative et analytique, dont on a essayé d'esquisser quelques traits. Est-ce que c'est le peintre du bonheur, Matisse? Oui, absolument. Oui, absolument. C'est là où c'est intéressant, parce que Barthes, à mon avis, se trompe grandement. D'abord parce qu'on sait aussi par des correspondances privées que Matisse n'ignorait rien de la réalité, par exemple, de l'histoire, de la guerre. J'ai dit qu'avec Aragon, il parlait peut-être pas effectivement de politique, c'est certain, mais en attendant, je crois qu'il était absolument pas naïf de ce côté-là. Puis il a un argument qui est de dire que finalement, si tout le monde avait fait de la peinture, si tout le monde avait fait comme Picasso et lui-même des tableaux, au fond il n'y aurait pas eu de guerre, tout simplement. Je me demande si la phrase n'est pas de Picasso en réalité, comme si Matisse ne pouvait pas dire ça, mais ce qui est certain, c'est que l'exigence d'être rivé à son travail, à ce qu'on sait faire, ça c'est évidemment très matissien en fait, hein. Que ça lui vienne ou non de sa famille, c'est possible, peu importe, mais ce qui est certain, c'est que ce culte extrême du travail, du labeur, qui en fait ne doit pas être visible, puisque cette apparente simplicité, il va beaucoup tenter de l'expliciter pour dire attention, mon travail vise à une simplification, vise à procurer du bonheur. Ça, il était parfaitement... J'irais jusqu'à dire qu'il a parfaitement théorisé, en fait, sa peinture du bonheur. Hein. C'est vraiment pas un cliché. Enfin, ou alors, comme tous les clichés, c'est vrai, en fait. Hein. Donc, peintre du bonheur, absolument. Mais il a tenu beaucoup à analyser, en fait... Enfin, pas analyser, à expliquer véritablement que le travail derrière cette aisance, cette facilité, ce bonheur-là, était un travail immense. Alors Aurélie Verdi, on va passer la grande porte qui nous conduit à l'exposition, puis vous allez nous montrer quelques œuvres qui vous tiennent à cœur en particulier. Voilà donc Aurélie Verdi dans la première des 9 sections de cette exposition. Ça commence par une section Aragon, ça se termine par une section Aragon, et chacune des autres sections est un peu sous l'égide d'un écrivain, d'un critique d'art. Oui, tout à fait. C'est la scansion que l'on a choisie pour cette exposition. Un peu naturellement, Aragon à la part belle, puisqu'on a pu dire en effet à quel point le livre Henri Matisse roman avait été un peu le point de départ de cette manifestation, en tout cas sur un plan comme ça visuel. Je confie aussi la parole pour la section consacrée au fauvisme à Matisse, qui revient sur ce qu'a été le fauvisme pour lui en 49, dans une très belle lettre à sa fille. Et à chacune de ces sections, précisément, ce que dit l'auteur, en l'occurrence Matisse sur le fauvisme, donne le titre de la section. Au moment du fauvisme, en 49, quand il revient sur le fauvisme, Matisse écrit à sa fille qu'il considère cette épreuve du feu, hein, comme Derain l'appellera, comme un bloc lumineux. Voilà, le fauvisme pour lui est un bloc lumineux, soulignant probablement par là aussi une espèce de dimension presque architecturale à l'entreprise fauve, si je puis dire. En tout cas, même dans des petits formats, on a comme ça cette idée qu'un espace est créé. C'est ce que Matisse explique à Marguerite. Le fauvisme est un espace créé, une disponibilité pour l'esprit. Et puis, bien sûr, on s'en doute, c'est une disponibilité pour la couleur, pour la construction par la couleur. Alors, puisqu'on parle directement du fauvisme, on peut peut-être écouter justement une archive de Pierre Schneider, voilà encore un autre grand critique d'art qui en parlait justement. Pour les autres fauves, la couleur c'était une espèce de parure de fait mise sur une image assez traditionnelle, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on voyait comme tout le monde, mais qu'on coloriait plus vif. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas la couleur, mais le rapport entre des couleurs. Il le dit d'ailleurs, une couleur ce n'est rien, deux couleurs c'est un rapport, c'est la vie. Et c'est la vie qui comptait pour lui. Aurélie Verdier. Pierre Schneider est un auteur absolument extraordinaire s'agissant de Matisse, enfin très très éblouissant et sa plume est formidable. Pour cette question des rapports, je crois que j'ai eu l'occasion de dire effectivement que c'était un mot absolument clé hein, pour Matisse. Ça se vérifie d'ailleurs dès les débuts en fait, hein, même quand sa manière est tout à fait éloignée de ce qu'elle sera par la suite. Quand par exemple il s'essaye autour de 1898 à un premier essai inspiré du divisionnisme, hein, du néo-impressionnisme, cette touche de juxtaposée de couleurs pures dont il va se rendre compte qu'elle est par trop divisée de son dessin, qu'elle est par trop système, hein, elle fait système et ça ne lui convient pas. On pourrait dire que justement cette inspiration issue de Signac, cette greffe, hein, Signac ne prend pas. On est quand même dans un essai de rapport constamment. Oui, parce qu'ici, dans la première section dans laquelle on se trouve, les peintures ne sont pas aussi éclatantes, évidemment, qu'elles le seront par la suite. Mais en même temps, il y a derrière vous le pont Saint-Michel. C'est une peinture de 1900. Et là, on a l'impression d'être déjà dans un Matisse du futur, enfin, dans un Matisse qui a déjà intégré la lumière et la couleur dans sa peinture. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une très, très belle toile. Des collections du Musée national d'art moderne, du Centre Pompidou. Elle a été faite depuis cet atelier que Matisse a gardé très longtemps sur le quai Saint-Michel. Et cette peinture de 1900, en fait, inaugure de bien des façons en fait, l'espace matissien. Hein, l'espace, je n'ai pas encore prononcé ce mot, mais c'est tellement, tellement clé. Cette formule en fait en bande sur le côté gauche hein, de cette peinture est une manière d'entrer dans la peinture, peut-être de l'occulter aussi, mais à mon avis c'est plutôt une formule pour rentrer dans la surface en fait, dans la représentation. C'est un peu comme s'il y avait un chambranle de fenêtre, oui, sur la gauche, c'est probablement ce une que couleur c'est, rose c'est orangée. C'est probablement ce que c'est, mais c'est intéressant à plusieurs égards. D'abord parce que cette espèce de formule binaire, ternaire, j'ai l'impression que Matisse va l'utiliser très tôt. On le voit d'ailleurs dans cette académie très singulière qui est le Nu aux souliers roses, qui est une œuvre très intéressante puisqu'on ne l'a pas vue depuis la rétrospective de Pierre Schneider du du centenaire, hein, de 1970. Donc cette espèce de logique ternaire qu'on va ensuite voir dans des très grandes compositions comme les Baigneuses à la tortue, hein, de Saint Louis. Alors une œuvre qui n'est pas là, c'est évidemment ça aurait été absolument magique d'avoir un tel prêt, mais on peut faire sans aussi en se disant que il y a dans toute la l'œuvre de Matisse ces moments de peinture, de pure peinture vraiment, qui font écho à d'autres peintures. Alors je propose qu'on aille voir la section fauviste. Alors on est là devant un autoportrait de 1906, Aurélie Verdier. Qu'est-ce que vous pouvez en dire et pourquoi finalement voulez-vous qu'on s'arrête devant cette toile en particulier ? Cette toile était à plusieurs égards un prêt absolument considérable de l'exposition, et puis je crois qu'on a de manière irrépressible toujours une sorte d'attirance pour l'image de l'artiste, hein, c'est très important. Dans l'exposition, il n'y en a pas tant que ça. Il y a dans la première salle un autoportrait de 1900 où précisément Matisse qui se sera cherché partout, hein, comme il le dira très bien, parmi tous les autres peintres, hein, interroge son image, et c'est bien sûr la mission de l'autoportrait, mais s'interroge dans l'anxiété qui est la sienne à ce moment-là. Quelques années plus tard, et à vrai dire 6 ans plus tard, l'été fauve est passé, Matisse a consolidé déjà en fait sa position prééminente sur la scène parisienne, et cet autoportrait le dit, voilà. Elle, c'est un autoportrait dans une sorte de confiance extrême. Peut-être d'arrogance même dans la manière dont il nous regarde, il y a de la méfiance et de l'arrogance en même temps. Moi, je n'en vois pas. Moi, je n'en vois pas. Je vois une extrême douceur, au contraire, tout en étant habité clairement par un nouveau sentiment. C'est un portrait en fait qui est plus grand que nature. Ça, c'est une c'est une chose tout à fait intéressante. Ça assoit aussi cette autorité dont je parlais, avec une sorte de composition qui rayonne à partir de l'œil à gauche. On a comme ça cette impression que il y a véritablement une sorte de presque de vortex, hein, autour de cet œil. L'œil est quasiment central dans la toile d'ailleurs. Oui, tout à fait, absolument. Et puis cette manière de porter ce vêtement d'été, hein, qui évidemment signale. Une sorte de t-shirt. Oui, c'est une marinière en fait à rayures et qui signale effectivement que cette toile est une toile peut-être d'été. C'est une toile faite à Collioure, hein, où Matisse revient et reviendra pendant de nombreux étés jusqu'en 1914. Je propose d'aller à la section suivante. On peut peut-être dire un mot ici, Aurélie Verdier, de la question du volume, de comment Matisse a cherché, au fur et à mesure de son avancement dans la recherche picturale, à simplifier à chaque fois de plus en plus les volumes. Est-ce qu'on le voit ici, par exemple, dans cette section ? Oui, on le voit particulièrement bien avec, par exemple, le luxe 1, dont les collections du Centre Pompidou ont à la fois l'étude dessinée, la mise au carreau et l'huile sur toile, qui est un grand moment de l'espace matissien. Justement, on est en 1907 et de toute évidence, en fait, Matisse prend absolument ses distances de manière définitive avec, enfin, en tout cas, pour jusqu'à cette période niçoise où il réintroduit un modelé plus traditionnel. On est là face à avec cette Vénus très très curieuse, cette sortie de bain devant une maîtrise du volume totalement libre désormais. On est très très loin de l'académie, on est très très loin du paysage idyllique que cela semble suggérer. On est dans une sorte de mythe avec une mer qui est verte, une montagne qui est violette, et puis ces formes de femmes qui sortent de l'eau est extrêmement stylisée. Oui, tout à fait. On a un peu comme les baigneuses à la tortue, cette impression justement d'un visage quasiment presque animal, en fait. Hein. La tortue n'est peut-être pas loin. La toile a fait couler beaucoup d'encre, en fait, au Salon des Indépendants de 1907. Hein. La toile est vue comme inachevée. Et il y a une dimension, effectivement, avec cette touche un peu frottée, brossée comme ça, rapidement. Il y a peut-être quelque chose de cet inachèvement-là. Ce qui est intéressant, c'est que Matisse va réaliser, après un voyage en Italie en 1907, précisément après Luxe 1, une seconde version à la tempéra, qui pour le coup, elle, aura cette matité due à cette technique, hein, matité extrême qui évidemment est à l'opposé de cette touche vibrante pour cette toile-là. Donc voilà, cette idée aussi que l'œuvre est dupliquée et en même temps ne produit jamais du même. Donc nous voilà devant sans doute l'une des pièces maîtresses de cette exposition, j'imagine, Aurélie Verdier, c'est cet intérieur aux aubergines que vous avez exposé en majesté, vous lui avez réservé même un petit espace dédié dans l'exposition. Oui, tout à fait. C'est vrai, très certainement l'œuvre phare de l'exposition. D'abord parce que c'est un événement total de pouvoir déplacer avec toutes les précautions requises cette œuvre du musée de Grenoble. Ce prêt exceptionnel l'est parce que l'œuvre est fragile. Précisément, c'est une œuvre dont le liant est la colle, donc c'est une œuvre particulièrement instable et très fragile, rare en fait dans la production de Matisse. Hein. On connaît un autre nu à la colle qui a du reste disparu aujourd'hui. Donc sa technique le rend très peu déplaçable, et puis c'est évidemment une œuvre totalement emblématique du musée de Grenoble, donc s'en priver pour le musée, c'est un geste d'une très très grande générosité qu'a consenti Guy Tossato, son directeur. C'est une œuvre, en même temps, on se réjouit tellement de la voir, parce qu'en réalité, elle est la seule trace en France, dans les collections françaises, de ce projet intégralement décoratif de Matisse, hein, bien sûr. Alfred Barr, le directeur du MoMA d'alors, enfin, et grand maticien aussi par ailleurs, avait qualifié, on le sait peut-être, hein, ces grandes toiles décoratives de 1911, les intérieurs symphoniques. Voilà, c'est le seul en France. Et alors, c'est un espace, justement, qui est complètement aplati, où la perspective n'existe plus. Est-ce que c'est ça aussi qu'il faut noter sur cette toile-là ? Oui, totalement, totalement. En fait, le regard est entièrement déstabilisé. Cette ambiguïté spatiale, en fait, on pouvait le déceler peut-être presque dès les débuts de Matisse, mais il est très certain que notamment dès 1906, 7, 8, 9, en fait, Matisse se débarrasse tout à fait d'une stabilité visuelle au profit peut-être justement du pattern, hein, du motif décoratif pour créer une sorte de peinture entièrement immersive. Hein. Et là, on le voit avec ce motif tapissant, hein, c'est vraiment le cas de le dire, c'est un tapis, c'est le devenir tapis de la peinture, hein, cette œuvre, c'est certain. Ce motif proliférant de clématite, hein, ces fleurs aux cinq pétales bleues qui envahissent la toile sans distinction, sans aucun souci pour une quelconque narration. Ça ne raconte rien que ce décor en fait, hein. Et c'est l'une des grandes révolutions, bien sûr, d'une telle peinture. Et cette émotion que ça procure, comment pourriez-vous la qualifier ? Robert Ray va parler de bras enveloppants. Hein. Il va suggérer que Matisse est le peintre, qu'il n'y a pas d'autre peintre que Matisse pour vous envelopper, en fait, comme des bras. Dans la peinture. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est d'ailleurs la raison de cette scénographie qui lui réserve comme ça un traitement singulier, qui la sanctuarise, mais sans que la lumière, justement, quand même, ne lui fasse perdre sa qualité vibratoire et c'est une forme de joie aussi, peut-être, je ne sais pas. Je vous propose de continuer. Alors ici, Aurélie Verdier, dans cette nouvelle section, il y a l'apparition peut-être d'une nouvelle couleur, et cette couleur, c'est le noir qui vient contraster avec les couleurs déjà assez éclatantes de Matisse. C'est ça que vous avez voulu montrer ? Je ne sais pas si c'est la seule idée de cette salle, probablement pas, mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, cette salle consacrée aux années de guerre, qu'on a voulu intituler Ressemblance en profondeur, parle de l'effigie, ça c'est certain, de la figure, du portrait, y compris de la figure en son absence, parce qu'avec l'intérieur au bocal de poisson rouge, clairement, l'artiste n'est plus dans l'atelier, mais en fait, de multiples façons, il y est encore. Et ces figures de guerre, en quelque sorte, effectivement, mettent en lumière, et je ne dis pas le mot pour rien, le noir. Et c'est vraiment les grandes années du noir chez Matisse, c'est vrai. Et alors, ce noir, il l'abandonne plus tard ? Je pense qu'il ne l'abandonne jamais. Je pense même qu'en fait, il est présent dès les débuts. Simplement, c'est un autre usage du noir. C'est aussi la découverte de ce qu'il nommera ce noir lumière, hein, qui a cette capacité toute particulière en fait à animer les rapports, hein, ces fameux rapports matissiens. À la suite d'Aragon, et aussi parce que c'est une œuvre tellement emblématique des collections du Centre Pompidou, la porte-fenêtre à Collioure, qu'Aragon aimait avoir ouverte ou fermée, selon. Essentiellement noir avec des raies de différentes couleurs à droite et à gauche. C'est une œuvre totalement non représentative, enfin totalement abstraite. Absolument. Alors cette abstraction en fait n'en est pas une, puisque ou en tout cas pas, elle est comme toujours compliquée, et sa simplicité ne doit pas tromper, parce que c'est une toile qui n'est pas finie, qui n'est pas signée par Matisse. Ça aussi c'est le témoin qu'elle est inachevée. C'était un balcon d'une fenêtre à Collioure, de sa fenêtre à Collioure. On revient encore à Collioure en 14, mais 14, c'est pas tout à fait n'importe quelle date, hein, et c'est la déclaration de guerre. J'ai trouvé très beau, justement, c'était l'une des raisons aussi pour convoquer Aragon, puisque pour lui, c'était le début d'un roman. Voilà, cette peinture-là, en fait, inaugure quelque chose de l'écriture. C'est la porte ouverte sur quelque chose. Oui, tout à fait. Et je trouve que c'est très beau de commencer une exposition, ou en tout cas un projet, et ça c'était le mien au début, de se dire voilà, on commence avec une fenêtre qu'on peut voir alternativement ouverte ou fermée. Donc cette porte-fenêtre, elle est apparemment abstraite, mais elle ne l'est sans doute pas tout à fait. C'est ça que vous voulez dire, Liverdier ? Non, parce que je pense que Matisse a dans ces années-là, même s'il s'approche de manière extrêmement importante de cette non-figuration, et on en témoigne précisément le jardin à Issy, hein, vers 1917, ou bien Auguste Pellerin, la même année. Matisse essaie en fait une sorte d'abstrait affectif. Il est toujours en fait dans cette idée de conserver le réel. On le voit très bien avec ce jardin ici prêté par la Fondation Beyeler, qui me semble-t-il fait écho à Auguste Pellerin, avec cette composition très très singulière que l'on voit derrière ce portrait du collectionneur. Il est néanmoins très sévère. Il est très austère. C'est quand même une décennie très austère chez Matisse. On la voit, et elle a raison. Comme expérimental, et c'est vrai, apparemment est-il allé plus loin dans l'expérimentation, et encore une fois la tentation de l'abstraction, mais ça n'est qu'une tentation, je pense. Presque du cubisme, est-ce qu'il n'y a pas des vagues apparences de cubisme ici ? Vous avez parfaitement raison, et ça se traduit très bien d'ailleurs dans un essai qui est un portrait de Marguerite totalement cubisant, à défaut d'être cubiste assumé, hein, que Matisse ne sera jamais, mais il y a une tentation cubiste, il y a une menace cubiste aussi, hein, parce que finalement, de toute évidence, c'est le langage plastique le plus moderne autour de 1910, 11, 12, qui est en train de rivaliser avec sa propre peinture. Chez Pellerin, oui, je suis tout à fait d'accord, il y a effectivement cette tentation d'un cubisme et qui retient d'une certaine manière l'austérité, hein, de l'entreprise cubiste, ouais. Donc Aurélie Verdier, on avance assez rapidement parce que le temps presse déjà dans cette grande exposition. On est là dans la seconde grande section de l'exposition, et on retrouve Aragon qui est décidément un fil rouge. Oui, tout à fait. En fait, autour de 1941, il y a donc cette rencontre à Cimiez, hein, sur les hauteurs de Nice, qui est tellement, tellement importante. Et avec cette lettre d'Aragon, on a déjà, aussitôt que 42, juillet 42, le poète qui écrit « Je me tourmente de l'idée et de l'envie d'écrire cet autre Matisse que j'ai en tête et ai peur de rater que j'hésite à m'y jeter. Un Matisse vu de loin, ce n'est pas un titre, mais un plan. » Voilà, donc en fait, on voit bien à quel point le projet d'Henri Matisse roman naît très tôt, et en même temps, c'est une suite d'aller et venu dans l'œuvre de Matisse jusqu'à parvenir à écrire l'ouvrage en question au tout début des années 70. Donc ici, il y a la fameuse blouse romaine, qui est aussi un autre chef-d'œuvre de cette exposition. Absolument. Moi, j'ai beaucoup aimé l'exercice qui consistait à choisir l'identité visuelle. Parce que c'est ça qui illustre la couverture du catalogue. Tout à fait, de même que l'affiche, et j'espère qu'on la verra dans Paris. Je pense qu'elle a un caractère effectivement reproductible par essence, en fait. Elle n'est absolument pas amoindrie par la reproduction, jamais. Même du temps de Matisse, en fait, elle est très vite choisie pour être reproduite même en couleur. Oui, en couleur, en fait, parce que les premières reproductions existent. Donc, c'est une œuvre qui a été regardée. C'est une œuvre qui, évidemment, comme en expansion d'elle-même en permanence. C'est une œuvre qu'Aragon va regarder aussi. C'est une œuvre qui va être exposée à la Galerie Mag en 1945. Et Matisse, et ça, c'est très beau, bien sûr, la donnera au Musée national d'art moderne. Avec une clause importante qui est de dire qu'elle ne quittera pas les murs du musée, sauf en cas d'incendie. Est-ce qu'on est ici avec ce qu'on peut appeler une espèce de seconde vie de Matisse à partir des années 40 dans une peinture qui est encore plus sereine, qui est encore plus cette peinture du bonheur qui semble avoir été le projet de toute la vie de Matisse? En tout cas, il est en train de résoudre des problèmes de longue date, c'est-à-dire que réunir le dessin et la couleur est quelque chose qui effectivement va le travailler de manière extrêmement intense dans ces années-là. On a pu parler de l'essai magistral en dessin de Thèmes et variations. Là, c'est le moment où précisément il a tout donné en dessin, il peut s'atteler à la couleur, hein, de manière totale. Et en fait, la réussite est complète quand on voit les intérieurs de Vence. Ce sont ces dernières peintures de chevalet, hein, on est en 46, 47, 48, elles sont réalisées à Vence, et là pour moi c'est véritablement l'accomplissement le plus total de la peinture de Matisse. Enfin, j'y vois vraiment simplement une résurgence du fauvisme, mais au contraire une nouvelle conception de l'espace coloré qui arrive à une maîtrise folle et qui doit quelque chose déjà aux gouaches découpées qui existent. Alors les gouaches découpées, on va terminer sans doute avec ça, parce que c'est aussi ce qui termine chronologiquement la vie de Matisse, avec la chapelle de Vence. Évidemment, vous n'avez pas pu reconstituer la chapelle ici dans le cadre de cette exposition. Vous auriez peut-être voulu. J'aurais adoré. J'ai un temps pensé que je pouvais emprunter l'esquisse préparatoire du grand chemin de croix que conserve un musée en Suède. Ça n'a pas été possible pour différentes raisons, mais néanmoins, je ne suis pas déçue des très très beaux prêts que nous avons obtenus, puisqu'en fait, nous réussissons grâce à la fois à deux essais pour les vitraux, mais aussi les chasubles et des dessins précisément qui témoignent de ce chemin de croix, nous réussissons à reconstituer, je dirais, le projet de Matisse, qui est de, pratiquement comme toujours en fait, de faire interagir le noir et blanc et la couleur. Donc là, les essais pour les vitraux sont de la taille des vitraux, donc ça peut donner quand même une idée à l'échelle. Absolument, je pense que, et par ailleurs, il faut se rappeler aussi que la chapelle de Vence est une architecture du corps, au sens où c'est vraiment une chapelle aux dimensions assez modestes, pas très éloignée des dimensions de l'atelier appartement de Cimiez, hein, où Matisse a en fait travaillé toutes ses compositions. Donc, on est au fond, je pense, dans un espace qui peut témoigner de quelque chose de cet aboutissement, parce que Matisse va l'appeler son aboutissement de toute une vie. C'est la joie de vivre, cette chapelle de Vence. Certainement, c'est certainement une chapelle qui parle de l'espoir en tout cas, et d'une forme de résurrection, puisque Matisse s'est estimé lui-même ressuscité en fait après son opération de 41. Il sait qu'il a un supplément de vie en fait, hein, qui l'oblige, et la chapelle parle certainement aussi de ça. Écoutez, merci beaucoup Aurélie Verdier pour cette visite de votre exposition. Elle ouvre aujourd'hui. Et on peut la voir jusqu'en février. Jusqu'à quand exactement au Centre Pompidou à Paris ? Jusqu'au 22 février 2021. Merci beaucoup. Tout de suite, merci, on retourne à la maison de la radio pour une chronique un peu particulière. Vous allez l'entendre en partenariat aujourd'hui avec Arte. La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange. Arte diffuse en effet une série de documentaires intitulés « Les grands romans du scandale » parmi lesquels on trouve le portrait de Dorian Gray sur lequel vous vous êtes penché avec Philippe Picard, Jérôme Lambert dans un documentaire diffusé ce soir à 22h30 et d'ores et déjà disponible sur le site arte.tv. Bonjour à vous. Bonjour. Alors parlez-nous un peu de ce portrait de Dorian Gray en nous rappelant peut-être pourquoi ce livre est si scandaleux. Ce livre est scandaleux déjà parce qu'il dynamite un peu la société victorienne et que très vite les lecteurs ont vu un sous-texte qui aujourd'hui paraît presque désuet mais qui à l'époque était scandaleux, c'est l'homosexualité des personnages. Sous-texte très présent même quand même. Oui, très présent en sous-texte, mais comment dirais-je, c'est vrai qu'aujourd'hui ça choque. Peu, je crois, parce que c'est pas, il y a rien de cru, il y a rien de, mais voilà, faut rappeler qu'à cette époque-là, l'Angleterre a voté une loi pénalisant l'homosexualité et que cette loi sera fatale à Oscar Wilde et que c'est le roman, le portrait de Dorian Gray qui sera une pièce à conviction à son procès. Mmh. Je crois que même la reine a été plus ou moins choquée, non? Oui. Bon, tout le monde en prend pour son grade dans le roman, qui est assez caustique. Hein, et je crois que c'est ce qui a, voilà, comme dans les pièces d'Oscar Wilde, c'est ça qui est resté très actuel. C'est cette causticité, cette ironie, cet humour. Hein. Mm-hmm. Alors, redites-nous peut-être aussi un petit peu en quoi ce livre, Le portrait de Dorian Gray, a à voir avec Faust. Ben c'est vraiment une réactualisation du mythe de Faust. Le portrait de Dorian Gray n'a pas de diable à proprement parler, mais il y a un personnage, Lord Henry Wotton, qui joue ce rôle-là et qui corrompt Dorian, qui veut bien être corrompu, et voilà, le pacte faustien se matérialise dans ce tableau qui ne vieillit pas et qui vieillit à la place de Dorian Gray et au fur et à mesure que celui-ci commet des crimes, puisqu'il commet des crimes. Bon, alors, le portrait de Dorian Gray, c'est évidemment un roman scandaleux, mais c'est surtout Oscar Wilde lui-même qui était particulièrement scandaleux, qui aimait justement choquer. Sans doute avait-il raison d'ailleurs de vouloir le faire pour secouer un petit peu la société victorienne. Oui, évidemment, comme toujours, le roman est un portrait de son auteur, mais là c'est particulièrement facile à déchiffrer, puisque Wilde menait une vie, bon, il était marié, mais il était comment dirais-je, très en vue dans les salons, et il s'affichait avec son amant de plus en plus ouvertement, et puis il aimait provoquer, donc voilà, ce roman a été retenu contre lui et il a fini par être condamné pour sodomie. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez appris vous-même en faisant ce documentaire ? Je pense que nous n'avions pas conscience avec mon collègue à quel point ce roman était moderne. C'est vrai qu'il y a toute une partie de documentaire sur son actualité. Wilde a inventé, en quelque sorte, bien avant Warhol, la culture de la célébrité, famous for being famous. C'est vraiment, c'est très présent dans le livre et ça, comme tous les chefs-d'œuvre, je crois que le livre a une grande avance sur son temps. Voilà, on peut le lire de façon aujourd'hui, il nous parle encore très très fort. Qu'est-ce que vous aimeriez justement que les spectateurs de votre film retiennent après l'avoir visionné? Je crois qu'il y a une phrase un aphorisme de Wilde qui est dans le film. Beaucoup de gens se contentent d'exister. Enfin, je le dis mal évidemment, donc c'est plus un aphorisme. C'est difficile de vivre. Beaucoup de gens se contentent d'exister. Cet homme qui a vécu si fort, si vite, comme une rockstar un petit peu, devrait nous encourager en ces temps de Covid et de tristesse. Voilà, il a vécu brillamment et c'est sans doute un modèle de ce point de vue-là. Eh bien, écoutez, en tout cas, on va commencer par regarder votre film dès ce soir sur Arte ou alors dès à présent sur arte.tv. C'était La Compagnie des œuvres, une émission proposée par Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Genepin, Romain Billet, Cyriel Weber et François Rivalan. Demain, dernier moment de notre série consacrée à Matisse, nous serons avec Xavier Girard pour parler notamment de sa sculpture, de ses dessins et de son rapport avec la ville de Nice. Mais tout de suite, on retrouve les sciences sur France Culture.